Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous arrivons aujourd'hui à la leçon 10. Nous apprendrons ce qu'il faut dire pour exprimer la présence ou non de personnes dans un lieu déterminé. Notre phrase clé aujourd'hui est... Tout le monde est là? Le personnage principal de notre sketch s'appelle Anna. C'est une étudiante internationale originaire de la Thaïlande. Aujourd'hui, Anna doit subir un examen médical à l'université qu'elle fréquente. Les étudiants se sont rassemblés au lieu prévu pour l'examen. Nous allons écouter maintenant le sketch de la leçon 10. La phrase clé est... Tout le monde est-il là? Dans ce cas, tous les étudiants sont-ils là? はじめに身長と体重を測ります。全員いますか？アンナさんがいません。すみません。遅れました。Laissez-moi maintenant vous expliquer le sketch. Le professeur Suzuki a dit aux étudiants: はじめに身長と体重を測ります. Tout d'abord, nous allons mesurer votre taille et votre poids. Quand je me pèse, je me sens toujours doki-doki, nerveuse. Bravo, Mélanie, vous avez employé une onomatopée que nous avons apprise l'autre jour. Hajimeni signifie au début. Shincho signifie taille. To est une particule qui signifie et. Elle lie les substantifs. Taiju signifie poids. O est une particule qui indique l'objet d'une action. Hakarimasu est un verbe qui signifie mesurer. Le professeur Suzuki poursuit. 全員いますか? Tout le monde est-il là? 全員 signifie tous les gens, dans ce cas-ci, tous les étudiants. いますか? Est composé de います, un verbe qui exprime la présence de personnes, c'est-à-dire il y a, exister, et か, une particule qui donne une forme interrogative à une phrase. Vous prononcez une question en haussant l'intonation. Exerçons-nous ensemble. 全員いますか? Dans la leçon 7, nous avons appris arimasu, il y a, exister, un verbe qui exprime la présence de quelque chose. Ne peut-on pas employer arimasu ici? Non, vous ne pouvez pas. Arimasu se réfère à l'existence de choses. Nous employons imasu en référence aux gens et aux animaux. Alors, prétendons qu'il y a un chien. Un chien se dit inu. Alors, nous devons dire « inuga imasu », n'est-ce pas? C'est juste. Retournons au sketch. Le professeur Suzuki a demandé « Tous les étudiants sont-ils là ?» Rodrigo, un camarade de classe d'Anna, répond « Anna-san ga imasen. » Anna n'est pas ici. Anna-san est Anna, précédée d'un titre honorifique « san ». Na est la particule qui indique le sujet ou le marqueur de sujet. Imasen. Il n'y a pas, ou dans ce cas, Anna n'est pas ici, est la forme négative de imasu. Il y a, ou dans ce cas, elle est ici. Oh, qu'est-ce qui est arrivé à Anna? Au même moment, la porte s'ouvre soudainement et Anna entre à bout de souffle. Sumimasen, okuremashita. Je suis désolé, je suis en retard. Littéralement, je suis désolé d'être arrivé en retard. Elle semble s'être réveillée en retard. Sumimasen. Signifie « Je suis désolé, excusez-moi ». Dans la leçon 7, vous avez appris à dire « Sumimasen » quand vous parlez à quelqu'un. Donc « Sumimasen, shukurimu wa arimasuka ?» signifie « Excusez-moi, avez-vous des choux à la crème ?» Vous employez également cette expression quand vous souhaitez vous excuser, comme dans ce cas-ci. « Okuremashita » est le passé de « Okuremasu » un verbe qui signifie « arriver en retard, venir en retard ». Pour mettre les verbes en masse au passé, remplacez masu par mashita. En japonais, nous utilisons le passé des verbes pour exprimer toutes les actions terminées, même si dans d'autres langues, on utiliserait plutôt le présent. Mélanie, voici maintenant une question pour vous. Comment dites-vous « j'ai mangé » en japonais? Manger se dit tabemasu, alors c'est tabemashita? Tout à fait. Nous comprenons donc maintenant ce sketch. Écoutons à nouveau le sketch de la leçon 10. La phrase clé du jour est... Les étudiants sont-ils tous ici? Passons maintenant à notre rubrique intitulée « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Nous avons appris aujourd'hui « imas », il y a, exister, un verbe qui exprime l'existence de personnes ou d'animaux. Plus tôt, nous avons appris un mot similaire, « arimas ». Comment peut-on les distinguer? Demandons à notre professeur. Dans la leçon 7, Anna était surprise de voir un grand nombre de gâteaux dans la pâtisserie et elle avait dit « Il y a beaucoup de gâteaux. Comme dans ce cas, si le sujet est une chose inanimée, nous employons « On décide si une chose est vivante ou inanimée, non seulement en évaluant si elle est vivante, mais également si elle peut se déplacer d'elle-même. Les plantes sont vivantes, mais elles ne peuvent pas se déplacer. On emploie donc « arimas » pour elles. Les poissons vendus en épicerie ne peuvent pas se déplacer. On emploie donc « arimas » pour eux également. Mais les poissons dans un aquarium se déplacent. Alors nous employons « imas ». Les autobus et les voitures, par nature, ne peuvent pas se déplacer par leur propre volonté. Mais quand ils ont un conducteur, on emploie « imas ». Pour résumer, le verbe qui permet d'exprimer l'existence de personnes ou d'animaux est « います ». Il y a « exister ». Sa forme négative est « いません ». Il n'y a pas, n'existe pas. Quand nous parlons de l'existence de choses inanimées, on emploie « あります ». Il y a « exister ». Sa forme négative est « ありません ». Il n'y a pas, n'existe pas. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous traitons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Le mot qui suit peut être employé pour exprimer vos sentiments lorsque vous recevez le résultat d'un examen. Gakkuri. Eh bien, quelqu'un qui dirait cela ne me semblerait pas très heureux. C'est juste. On devrait dire cela lorsqu'on est déçu. On le dirait aussi lorsqu'on a perdu dans le cadre d'une compétition sportive, ou lorsqu'on est déçu et qu'on garde la tête basse. Voici une autre expression avec une connotation similaire. Gan. Je connais cette expression. Gan est souvent employée dans les mangas, en particulier pour les scènes dans lesquelles les personnages sont en état de choc et deviennent pâles. Gan. En disant simplement cela, on peut exprimer son degré de choc et de déception. Espérons toutefois ne pas avoir à employer ces tristes mots trop souvent. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons », aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir « Gakkuri » et « Gan ». Avant de terminer, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est la rubrique « Les tweets d'Anna ». Aujourd'hui, j'étais juste un peu en retard, mais on m'a dit qu'au Japon, on ne peut pas faire confiance à ceux qui arrivent en retard. Gan. La leçon 10 vous a-t-elle plu? Notre phrase clé du jour était... Tous les gens sont-ils ici? Nous avons aussi appris à employer imas pour exprimer la présence d'êtres humains ou d'animaux, alors que nous employons arimas pour indiquer la présence de choses inanimées. Mieux vaut les apprendre ensemble. Dans notre prochaine leçon, Anna invite Sakura à une fête. Ne manquez pas notre prochaine leçon.